Hey, on passe-tu un après-midi dans le vieux? Bienvenue à Québec Centrique, un projet pilote du Cégep Limoilou. Je suis votre animatrice, Maud Simard. Notre but à Québec Centrique, c'est de vous faire découvrir le côté insolite de la ville de Québec et de ses alentours, des légendes, des événements, des lieux, des commerces. Chaque épisode se concentre sur un quartier. Peut-être que ce sera le vôtre! Sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec Centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec Centrique. Parlant de quartier, aujourd'hui pour notre troisième épisode, déjà on se concentre sur la Haute-Ville. Alors, fait intéressant sur la Haute-Ville, plus précisément sur le Vieux-Québec, ce serait apparemment le lieu de naissance du hockey. Alors, encore une fois, apparemment on aurait joué de ce sport pour la première fois au 18e siècle dans notre cher quartier historique. Alors, ça reste à prouver, évidemment, mais en attendant, en studio aujourd'hui avec moi, on a Emija Daudet, Alexis Chouinard et Thomas Mercier. Alors, Emija Daudet, bonjour! Allô! Alors, je suis un chien qui ronge l'eau. Oui? Et oui! Tu nous as trouvé une histoire de sordide vengeance aujourd'hui qui commence avec un petit chien qui ronge l'eau. Ouais, donc en fait, plus précisément, là, ça part d'une sculpture sur l'édifice Louis-Saint-S-Saint-Laurent dans le Vieux-Québec. Puis, ça date d'il y a 300 ans environ, donc de 1688. C'est une assez vieille histoire, exactement. Une assez vieille légende. Donc, pour situer un peu les gens de c'est quoi exactement, c'est pas comme une statue dans une place publique, non. C'est vraiment sur un bâtiment, en haut d'une porte, c'est une sorte de bas-relief. Exactement. Qui est accroché. Comme tu dis, c'est un chien en or qui mange son os. Puis, autour ou en dessous, il y a un petit vers aussi que je peux vous lire. Ça dit « Je suis un chien qui ronge l'eau. En le rongeant, je prends mon repos. Un temps viendra qui n'est pas venu, que je morderai, tu m'auras mordu. » Alors un peu, on sent qu'il y a peut-être une idée de vengeance. Oui. Je morderai qui m'aura mordu, mais l'histoire s'en vient, mais ça a un lien avec ça. Parce que c'est un meurtre qui a tout commencé, la légende derrière. Ouais. Donc en fait, le premier propriétaire s'appelait Timothée Roussel. C'est lui qui a mis le chien sur le petit bas-relief du chien sur sa porte d'entrée. Mais le meurtre s'est pas passé avec lui. C'est vraiment l'autre propriétaire en 1734, qui s'appelait Philibert. Qui est plus un nom très populaire, mais qui à l'époque... Ben, c'est ça, qui était populaire Philibert. À l'époque et qui conserve le chien. En fait, 14 ans après qu'il soit devenu propriétaire de la maison, il y a eu un officier qui, le 20 janvier, a cogné à sa porte, qui s'appelait Pierre... Attention, c'est un long nom. Pierre Jean-Baptiste François-Xavier Le Gardeur de Repentigny. On peut l'appeler... On peut l'appeler par son prénom. De Repentigny, en oui, fait, vraiment. Oui, oui. Ça va être un peu trop long, sinon, à chaque fois. Qui se présente avec un billet de logement. Donc, dans ce temps-là, en fait, les officiers qui gardaient cette ville-là, qui faisaient attention, ils devaient être accueillis par des personnes qui vivaient. Oui, en fait, c'était un échange... En temps de guerre, ça arrive souvent là, dans plusieurs pays. Je crois que c'est arrivé aussi aux États-Unis beaucoup pendant la guerre d'indépendance, la guerre de sécession. Donc, si un officier de l'armée, bon, en tout cas de l'armée britannique, dans le cas du Canada, si un officier demandait à être hébergé quelque part, vu qu'il protégeait la ville, ben, il devait être hébergé. Le problème, c'est que Philibert n'avait pas les moyens de l'héberger à ce moment-là. Donc, il y a eu une petite dispute, une petite chicane. Philibert a montré un bâton en bois qui avait aucune... qui n'avait pas le tuer. Et de Repentigny a riposté en le frappant mortellement avec son épée. Donc, Philibert est mort. Un meurtre quand même digne. C'est le genre de meurtre de vieux temps qu'on ne connaît pas toute l'histoire, mais que mais en fait sanglant pour... Ben, pour c'est aucune raison. Pour une petite chicane de « je peux pas t'héberger, je suis désolée ». Mais ouais. Philibert a pardonné Repentigny avant de mourir. Puis lui, Repentigny, il s'est échappé, mais 2 mois plus tard, il s'est fait arrêter et condamné à 8 000 livres. Donc ça, c'est des millions de dollars, là, je dirais. C'est, il l'a pas repayé. Non, c'est ça. Et à être coupé. À être coupé la tête. Donc, condamnation. Une grosse condamnation. C'est ça. Mais, tant mieux, je crois, pour lui. Il s'est fait pardonner par Louis XV et il est mort vraiment des années plus tard en Inde. Donc, tout est bien qui finit bien pour lui, moins pour Philibert. Ouais. Qui n'est plus avec nous. Oui, mais les deux sont plus vraiment avec nous. Mais par contre, la légende du chien d'or s'est passée à l'histoire pas mal après le meurtre. Ouais. C'est pas le meurtre qui l'a rendu célèbre. Non. C'était vraiment grâce à l'auteur William Kirby, qui est arrivé à Québec en juillet 1839, qui a vu le bas-relief du chien d'or, qui s'est demandé c'est quoi, mais qui a trouvé aucune information. Et il a décidé d'écrire une légende avec ça. Donc, pour résumer, là, c'est une légende. Oui, vraiment, c'est compliqué, là. Tu sais, il y a de la boucle de vengeance. C'est un livre complet aussi, là, qui s'appelle The Golden Dog, qui a été publié à New York. C'est une histoire un peu compliquée, donc... il y a la Corriveau, il y a des choses comme ça. Mais dans les grandes lignes... Oui, c'est ça. En résumé, on commence avec Angélique, qui aime le gardeur de Repentigny. Donc, de Repentigny, c'est l'assassin, là, dans l'histoire, la vraie histoire. Mais celle-ci, elle veut épouser l'intendant Bigot. Pour sa gloire personnelle, là, pour l'argent, pour le l'argent, fait d'épouser l'intendant. Par contre, de son côté, Bigot, il y a une maîtresse du nom de Caroline, qui est la fille d'un baron et d'un chef Abenaki. Donc là, Angélique, qui est vraiment fâchée, qui est jalouse, elle apprend, elle va demander à la Corriveau, qui est... un personnage de légende. Oui, une icône du folklore québécois. Qui aurait tué ses multiples maris, qui aurait été... Une sorcière, ouais, une sorcière, fait. Puis, elle demande d'aller empoisonner la maîtresse, donc Caroline. Puis, dans ce récit, Philibert, il est le fils d'un riche marchand, puis il épouse la sœur de Repentigny. Donc, l'intendant d'Angélique, là, c'est un peu compliqué de ce côté-là. Par contre, il y a des conflits monétaires entre Philibert et Bigot. Puis, quand Philibert, il fait placer le bas-relief du chien d'or, ça l'enrage Bigot. Il est genre, oh my god, comment il est hostile. Donc, il demande à Repentigny d'assassiner le père de Philibert. Et ils réussissent, of course. Ils réussissent. Donc là, Philibert et la sœur de Repentigny ne peuvent pas se marier. Donc, elle est morte de chagrin. C'est vraiment... Donc, c'est un peu tragique. C'est une sorte... vraiment trop compliqué. Ça inclut le folklore québécois, donc c'est quand même intéressant. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui l'ont cru pour de vrai, cette histoire-là, pendant longtemps. Ouais. Mais tu sais, parce qu'on sait jamais, on sait pas ça partie d'où, là. Puis si on sait pas que c'est un auteur qui l'a écrit dans un livre il y a comme 200 ans, ben on se dit, tu sais, toutes les histoires ont une partie de vérité. Ben exactement. Pourquoi pas celle-là, c'est... Mais c'est pas une vraie histoire. Pas du tout. C'est vraiment un écrivain. Si un jour vous lisez ce livre-là, croyez pas que c'est vrai. Parce que quand même, la vraie histoire est un peu moins rocambolesque que la légende. L'histoire, vraiment, comme la vraie histoire, la raison de pourquoi on a fait le bas-relief. C'est une hypothèse sur comment il a pu être là. C'est vrai. Parce qu'ils savent pas l'artiste vient d'où. Ils savent que Timothée Roussel l'a mis sur sa porte. Pourquoi? Ils n'en ont aucune idée. Donc ça, c'est une hypothèse recherchée par un historien. Donc en fait, c'est ça. Le propriétaire original, comme j'ai dit, Timothée Roussel, aurait une chicane avec son voisin, Jean Normand, donc entre 1670 et 1680, donc très longtemps. Puis en 1682, le seigneur, donc ça c'est eux autres, dans le temps, ça s'occupait un peu, comme il y avait chacun un quartier, puis il s'occupait du quartier, le seigneur. Donc, le seigneur aurait dit à Normand de laisser passer Roussel librement sur sa terre, parce que Roussel avait besoin. Je crois que tu te déplaçais. Oui, puis souvent, à l'époque aussi, si tu avais une terre, tu mettais des taxes sur les gens qui passaient sur ta terre. Oui, exactement. Ouais. Mais Normand n'était pas d'accord avec ça. Il était très fru. Donc, finalement, il y a eu une petite bataille, là, puis ça a fini en bataille. Donc, en 1686, Normand a dû donner 60 livres à Roussel, a dû l'autoriser à passer sur sa terre. Et les deux hommes ont dû payer 10 livres d'amende. Mais ça, c'est vraiment pas... Puis il n'y avait pas quelque chose aussi avec... il aurait tué son chien, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, la bataille, il a tué le chien. Normand aurait tué le chien de Roussel. Puis l'historien Benjamin Soult a découvert qu'en 1916, qu'à Pézanne, en France, il y a une sculpture d'un chien qui ronge un os avec les vers presque originales. Gravé en dessous. Mais ça, le problème, c'est que Roussel est né aussi en France, mais à 66 km de la sculpture. Donc, on ne sait pas si... Il n'y a pas vraiment de lien comment il aurait pu le trouver. Mais donc, en 1686, pour comme honorer son chien, il aurait fait placer une sculpture, ben comme un petit bas-relief de son chien sur sa maison. Pour honorer. Avec les verres, les mêmes verres qu'en France, Pourquoi pas? C'était peut-être quelque chose à l'époque là, qui était connu. Mais Amy-Jade, si on veut voir le fameux chien d'or aujourd'hui, le québécois, là, celui de la ville, on devrait aller où? À l'édifice Louis S. Saint-Laurent. Donc, en Haute-Ville. Exactement, c'est en Haute-Ville. Moi, je suis jamais allée, donc je pourrais pas vous dire exactement c'est sur quelle rue, pardon. Mais c'est ça. Au moins, on a le nom de l'endroit. Vous le trouverez. Vous le trouverez par vous-même. Et bon, un petit Google Map, ouais, c'est ça se fait bien. Ça se fait bien. Les Google y aident vraiment, c'est un ouais. Ben merci beaucoup, Amy-Jade. On se retrouve bientôt, comme vous êtes toujours à Québec Centrique sur les ondes de CKRL. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec Centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec Centrique. Une petite pause des chroniques, des reportages pour poser une question à nos chroniqueurs, à nos reporters. Alors, une question un peu personnelle, pas aussi personnelle que le numéro d'assurance sociale, je le promets. C'est une question plus... en fait, je l'ai posée, Anne-Sophie Aubin. Oui, salut. Tu ne fais pas de chronique dans cet épisode-ci. Non. Mais on t'a invité quand même. Hey, alors, quel est ton incontournable à faire dans le Vieux-Québec? OK, moi, personnellement, mon incontournable, j'aime la bouffe, hein, j'aime manger. Mon incontournable, ça va être le Cow's Ice Cream dans le Vieux-Québec. Tu sais, tu m'en avais parlé et j'avais aucune idée c'était quoi. Ben... Tu manques vraiment quelque chose. Honnêtement, le Cow's, c'est genre la meilleure crème glacée dure à Québec. Pour vrai, c'est pas québécois. C'est vraiment, c'est une compagnie, là. Il y en a beaucoup au Canada. Mais pour vrai, ils ont tellement de saveurs différentes. Je me souviens plus laquelle ma préf, parce que je pense que je change à chaque fois. Mais sérieux, coup de cœur. À date, c'est lesquelles que t'as essayé? Hey, je me souviens même plus. Parce que pour vrai, c'est tellement de des noms, genre mou... chocolat, brown. OK, il y a comme un petit thème. Il y a un jeu de mots, comme Ben en tout cas. Jerry's, c'est pareil. Mais le thème, c'est les vaches, en tout cas. Fait que okay. C'est vraiment... C'est super bon. Fait que j'aime ça. Moi, je vais pas au Chocofave. Je vais au Cow's de l'autre bord de la rue. OK, alors, voilà. Wow. C'est mon aspect préféré. Tu sais ce que t'aimes. Je c'est sais important. Ce que j'aime. Ouais. Personnellement... Moi, je suis une crème dure girlie, là. Oui, ben, ouais. C'est vraiment bon. Ouais. Ça a plus de caractère. Je suis d'accord. Une crème molle. Mais là, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais je te comprends. Ton activité préférée. Moi, j'aime beaucoup passer au Magasin Général. Oh. Il y a tellement d'affaires. Ah oui, Magasin Général. Les vinyles, les pins, les petites reliques. Les vieux journaux. Ouais. Il y a genre une section de John F. Kennedy. OK, my God. De journaux qui annonçaient genre sa mort ou son mariage. Moi, je trouve ça fun. C'est comme si c'était transporté dans le temps, un temps où on n'était pas né, évidemment. Puis... C'est tellement dans un quartier, c'est tellement dans un endroit touristique que ça fait comme valoir la culture québécoise, ouais. Un peu l'histoire québécoise aux touristes. J'suis d'accord. C'est vraiment agréable, j'aime beaucoup ça. C'est chaleureux, je trouve. Moi, rentrer là-dedans, je trouve ça vraiment, tu sais, l'ambiance. Il y a tellement de choses. Ouais, il y a tellement de choses à voir, agréable. C'est le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis sinon, j'aime beaucoup passer voir la statue d'Émile Nelligan, mais ça, c'est mes petits. C'est un petit peu niche, un petit peu niché. Mais ça, il est beau, Émile. Il est beau. Ouais. Les gens ne savent pas nécessairement, mais dans le Vieux-Québec, il y a une rue où il y a une statue de Dante aussi. Comme dans le coin, il y a les statues de Gandhi, Churchill, Roosevelt. Il y a aussi des statues comme d'artistes, dont Émile Nelligan, qui venait pas de Québec, qui venait de Montréal, mais quand même. Mais... qui est d'ailleurs le poète canadien. Le poète favori de Mo également. Ouais, pour ceux qui ne... ben, vous ne le saviez pas, non, mais maintenant, vous le savez. Non, vous savez, je l'aime beaucoup, Émile Nelligan. Mais je crois que beaucoup de personnes l'aiment aussi. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta réponse à la question. Je te demanderai ton numéro d'assurance sociale plus tard. Ah, d'accord, ouais. Je le garde en réserve. Merci. Je reste encore avec vous. Sur vos épaules et vos genoux. Je sois... puisqu'il faut qu'on existe, le chat du café des artistes. Eh bien, Thomas Mercier, bonjour. Bonsoir. Aujourd'hui, tu nous parles de quelque chose qui est très important pour les artistes de la ville. Nous, on étudie cinéma, communication, donc c'est quand même quelque chose qui nous touche. Ouais, ouais. Donc oui, je vais parler de la Charpente des Fauves. Donc, là, j'ai triché un tout petit peu parce que c'est vraiment sur les limites de la Haute-Ville, mais c'est trop intéressant pour ne pas le mentionner et aussi, il n'y a pas ça ailleurs à Québec. Là. C'est vraiment unique. Puis si c'est sur les Excentrique, c'est insolite. Puis si c'est sur les limites, c'est quand même... C'est ça, c'est ça vraiment compte. Sur le bord. Là. Ça, c'est, compte. Ça compte. Ça compte, ça compte. Et pourquoi, on s'en parlait un peu plus tôt, pourquoi ça s'appelle la Charpente des Fauves? C'est quand même un peu... mais c'est aussi c'est excentrique comme nom. Oui, donc c'est ça, ça s'appelle la Charpente des Fauves. En fait, fauve pour deux raisons. Premièrement, c'est un rappel à la férocité des animaux sauvages et indomptés. Donc, le fait d'utiliser son instinct pour agir parce qu'on ne connaît pas les règles. Et aussi, ça rappelle les peintres fauvistes. Donc, par exemple, André Derain ou Van Gogh, qui sont très connus. Donc, c'est ça, la Charpente des Fauves veut vraiment, comme elle le mentionne sur son site, libérer les forces brutes des arts vivants. Donc, c'est ça. C'est un établissement qui met de l'avant et qui favorise le développement de l'art vivant. D'ailleurs, c'est géré par le Théâtre Astronaute, qui est une compagnie qui a comme mission de développer et d'encourager l'innovation en art multidisciplinaire. C'est également un lieu de rencontre pour les artistes et leur public, où est-ce qu'on explore et on dépasse les frontières disciplinaires. On cherche à susciter les émotions et l'intuition du public. Donc, de la même façon, est-ce qu'on va utiliser des mots pour argumenter? À la Charpente des Fauves, ils utilisent l'art pour dénoncer, sensibiliser, encourager le public à se questionner sur eux-mêmes, à réfléchir. Puis c'est de l'art multidisciplinaire quand même, donc exactement. C'est rare. Très varié. On dirait que c'est dans à l'époque moderne que vraiment... Ben, ce serait plus l'époque contemporaine, mais c'est rare que maintenant, on fait seulement un art. Souvent, si on veut dire quelque chose, on va y aller avec plusieurs arts différents. Et puis d'ailleurs, eux autres, dans leurs locaux, ils ont vraiment beaucoup de choses différentes. Ah oui, une grande variété, oui. Ouais, donc c'est ça, le bâtiment est constitué d'une boîte noire à géométrie variable, d'une galerie, d'une façade numérique, d'espaces de répétition de co-travail, un studio de son, un atelier de construction, un atelier de fabrication. Il y a aussi un inventaire technique très varié de lumière, son, vidéo, plusieurs outils informatiques, bref, qui sont tous à disposition des artistes. Donc, les artistes peuvent emprunter ces outils-là pour faire leur création. Donc ça, c'est super intéressant. Je ne l'ai pas mentionné encore, mais cette bâtisse-là est établie au 206 rue Christophe-Colomb-Est, puis ça accueille à peu près 4 à 8 événements par mois, qui ont tous un thème différent et unique à leur propre façon. C'est l'ancienne adresse aussi de la Maison Jaune. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, la Maison Jaune, c'était un centre d'art qui a cessé ses activités en 2020 en raison de faillite, je pense. Oui, c'est ça. Parfait. Puis ces événements-là, ces différents événements qu'il y a par mois, est-ce que c'est gratuit? Oui, donc j'ai jeté un œil sur les événements. Puis, en tout cas, de ce que j'ai vu, pas mal tout est gratuit. Tout ce qui est coûteux, c'est pour, admettons, louer des locaux, etc. Mais comme si tu vas aller voir un événement ou quoi que ce soit, c'est gratuit. Vraiment, c'est très accessible. Puis pour ce qu'on trouve dans les locaux, tu as dit plusieurs termes que des fois, si on ne connaît pas la Charpente des Fauves, des fois, on ne sait pas trop c'est quoi. Mais j'imagine que c'est sur leur site. Mais de toute manière, c'est quand même des termes, si on s'y attarde, on peut trouver c'est quoi, mettons, la boîte noire, c'est littéralement une salle entièrement noire. Oui, c'est ça, oui, j'ai oublié de le mentionner, mais vraiment, le site de la Charpente des Fauves est super détaillé sur tout, tout, tout. Genre, on voit la structure en 3D de la bâtisse avec tous les détails de chaque pièce. Puis c'est vraiment aussi un site qui est esthétiquement parlant très satisfaisant à voir. Donc, je vous encourage fortement, si vous avez des questions, à aller y jeter un petit coup d'œil. J'ai l'impression que le site va suivre justement le côté insolite, oui. unique, excentrique. Oui. Donc, je pense que pour ceux qui nous écoutent, si ça les intéresse vraiment, ce serait très, très pratique d'aller le voir directement. Oui, oui. Puis, j'ai c'est dit pas très que... loin, donc. Non, c'est ça. Et j'ai dit aussi que ça accueillait des événements, mais ça accueille aussi des activités de formation, des festivals, des services ponctuels. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être comme un grand artiste de la ville de Québec. Là, c'est possible juste d'aller là. C'est ça. Assez méditage aussi. Là. Oui, quand même. Ouais. L'idée de faire un bâtiment comme ça, c'est parti de où? C'est quoi l'idée d'avoir comme un collectif d'artistes comme ça? Oui, donc cette idée-là, eh bien, premièrement, la Charpente des Fauves, excusez, j'ai eu un blanc, elle a vu le jour le 6 juin 2020. Au beau milieu de la pandémie. Ouais, ce qui était un moment. Ouais, un moment assez particulier pour commencer un nouveau projet. Ouais. Mais c'était l'initiative d'Émile Beauchemin, le directeur général, Geneviève Caron, la directrice administrative, et David Boilly, le directeur général adjoint. Donc, l'idée de ce projet-là leur est venue au printemps 2020. Et ils désiraient introduire quelque chose de différent au Québec, quelque chose que le Québec n'avait pas encore, qu'il n'avait pas encore vu. Donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé de mettre sur pied un endroit où la communauté peut admirer des créations artistiques en art de la scène. Puis, c'est rapidement devenu un lieu où est-ce que l'art et la culture s'entrecroisent pour de multiples artistes et organismes. Mm-hmm. Parce que quand même des collectifs d'artistes, il y en a quelques autres. Il y a Méduse, comme Spira, des choses comme ça. Mais là, on est quand même sur... C'est ça, comment t'en parles, ça a l'air un peu différent que là où Méduse ou Spira, c'est plus se regarder de l'art, peut-être louer de l'équipement, mais surtout regarder. Là, la Charpente des Fauves, ça a l'air d'être plus pour créer. C'est ça, c'est vraiment très interactif. Puis j'ai mentionné plusieurs fois que les artistes allaient trouver leur public. En fait, ce que je veux dire par là, c'est parce qu'il y a tellement de thèmes puis de sujets différents qui sont abordés dans ces créations-là que forcément... un artiste va trouver son public. Il y a un public qui va être intéressé. Par exemple, en faisant des recherches, j'ai trouvé des événements sur le questionnement de la culture de soi et de la génération Z, la manifestation de la fin du monde, une approche artistique sur la dépression et la santé mentale. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et après avoir zioté les événements, justement, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, mais c'est celui de Alice Tixidre et Juliane Dessert, qui exploite le thème d'une célébrité de la mythologie grecque, donc Méduse, qui est aussi appelée la Gorgone. Donc, ces femmes-là désirent visiter l'idée du monstre féminin en même temps de s'inspirer de figures androgynes à travers des performances de danse et de théâtre qui soulignent le message du « ça aurait pu être moi » parce qu'on se rappelle l'histoire de Méduse. Oui, dans le mythe. Dans la version d'Ovid, d'ailleurs, parce que c'est le mythe original, c'est pas ça. OK, parfait. Je m'y connais bien en mythologie grecque. Le mythe original... de Méduse est différent. La version d'Ovide, qui était un écrivain romain, c'est que Méduse se serait fait agresser sexuellement par Poséidon dans le temple de la déesse Athéna, parce qu'elle était prêtresse là. Donc, c'est devenu un symbole fort pour tout le monde qui se sont fait agresser. Puis, surtout le fait aussi qu'Athéna l'a pas cru. Fait que c'est comme ça qu'elle a donné la malédiction de la Gorgone. Mais il y a deux versions. Il y a une version que Athéna ne l'a pas cru. Il y a une autre version aussi que c'est pour se défendre elle-même par la suite que maintenant c'est une Gorgone. Oui, il y a tellement de versions. C'est tellement vieux. Il y a tellement de versions différentes. Dans la version originale, des fois aussi, était née Gorgone. Donc, ça dépend un peu, mais le symbole reste. C'est sûr que ce ne sera pas nécessairement une exposition qui sera là toujours. Non, c'est assez à venir, justement. Si je ne me trompe pas, c'est au mois de juin. Et l'intention de ces femmes-là, donc je les cite ici, c'est de créer une expérience rock au cœur battant de désinvolture. Donc moi, personnellement, ça m'intéresse, mais comme je vous ai dit, allez voir sur le site, il y a une panoplie d'événements. Il va y avoir quelque chose pour tout le monde. Il y a un sujet pour tout le monde. Puis ça, est-ce que... en fait, pour eux, la communauté, le fait d'avoir cette communauté-là autour d'artistes, mais aussi de gens qui viennent voir, c'est important. Très important pour eux autres. Ouais, justement, sur le site, c'est écrit... que sans leur communauté, ça serait pas la même chose du tout. Par exemple, en 2023, ils ont fait une campagne de socio-financement à travers la ruche et ils ont été capables d'amasser 50 000 $, donc quand même un gros montant, qui leur ont permis d'agrandir l'équipe pour mieux répondre aux besoins des artistes et aussi de lancer différents projets. Là, en ce moment, cette année, c'est important de savoir que la saison 2024-2025, ça va être leur première année complète en art multidisciplinaire à Québec. Donc, ils sont justement en train de faire une campagne annuelle avec l'objectif de 45 000 $ pour être capable de... Ouais, c'est ça, mais c'est leur première année, fait que c'est très gros pour eux autres. Ouais. Fait que... mais on leur souhaite que ça aille bien. Le meilleur. Rapidement, je ne sais pas si tu l'avais mentionné, les propriétaires, créateurs, juste pour le rappeler, c'est qui les gens qui ont oui, je vais te rappeler ça. Donc, c'est l'initiative de 3 personnes. Donc, je répète les noms, c'est Émile Beauchemin, le directeur général, Geneviève Caron, la directrice administrative, et David Boily, qui est le directeur général adjoint. Donc, c'est important de donner les noms comme ça, surtout, en fait, les artistes ou les gens qui créent des endroits comme ça. Pour beaucoup de mérite à ça. Oui, puis bravo à eux d'avoir inventé ça. Il faut qu'on continue à en parler, c'est important. Parfait. Mais merci beaucoup, Thomas, merci. Ça me fait plaisir. T'es venu en parler, donc merci. Et on se retrouve assez bientôt. Comme toujours, vous êtes à Québec Centrique sur les ondes de CKRL. On se retrouve après une brève pause. Rebonjour. Allô. Deux chroniques. Et oui. Dans le même épisode. Jamais un sans deux. Exactement. C'est ça l'expression. Alors ta deuxième chronique, elle se penche aussi sur le passé. Mm-hmm. Ouais. Donc en fait, ma chronique est sur les tours d'idées fantômes qui se passent vraiment dans le vieux Québec. En fait, les tours d'idées, ils racontent des meurtres, des mystères, des exécutions qui se sont passées à Québec que souvent tu n'en entends pas trop parler. Puis ils remontent à des histoires genre d'il y a 400 ans, là, du début de Québec. Puis ils font quand même dans un contexte, comme c'est pas juste raconter des histoires dans un musée, là, c'est comme il y a vraiment comme un contexte, il y a une ambiance derrière. Ben c'est ça, c'est dans le nom, donc c'est des tours d'idées, mais ouais. C'est dans le vieux Québec, là, tu te promènes. Dans les rues, au clair de lune, là. C'est une petite ambiance très fantomique, si je pourrais dire. C'est plus fantomatique. Ah oh, oui, c'est ça. ils ont un petit costume aussi. Oui, donc ils portent une toche sombre, un chapeau aux formes, puis ils sont aussi munis d'une lanterne, parce que on n'est pas en 2024, là. Ils sont vraiment dans le passé. Oui, c'est ça, à l'époque. Pas d'iPhone, là. Pas de flashlight d'iPhone. C'est ça, donc on parle de meurtre, on parle de mystère, c'est presque des fantômes. Même des fois, je sais qu'il y a certaines compagnies qui font des visites en tant que fantômes, parce qu'il y a comme deux compagnies, deux tours dans la ville. Deux quand même. Parcours vraiment différents avec les deux compagnies. Une, que c'est les visites fantômes de Québec, puis l'autre, c'est les promenades fantômes. Donc, les noms sont très similaires, mais c'est un parcours différent que tu vas faire avec la compagnie. Donc, c'est vraiment à ton choix, là. Puis, c'est environ 90 minutes, donc c'est 1h30, là, tu sais, ça se fait quand même bien, oui, puis c'est intéressant. Une petite soirée. Puis, tu peux y aller avec ta famille, tu peux y aller tout seul, tu peux y aller en groupe. Ça coûte environ de 25 à 30 $. Donc, c'est pas tant cher, là, ça va quand même bien. Ouais, non, ça va. Puis, pour les enfants de 10 ans et moins, par contre, c'est gratuit. Alors, ça, on le prend toujours. Oui, on le prend toujours. Surtout pour les familles. Là. Oui, deux, trois enfants, là, ça monte vite. Ouais. Ça monte vite en haut de 10 ans. Exactement. Mais ça, je pense qu'on s'en était pas parlé avant. Mais personnellement, j'ai déjà fait les tours fantômes. Moi aussi. Quand j'ai incroyable ouais. quand on était jeunes. Mais je crois que c'est avec l'école primaire. Hein. Je suis même pas sûre. Oui, mais il y a beaucoup d'écoles primaires qui faisaient ça. Ouais. Moi, j'allais pour ma fête avec mes amis. je sais pas toi, j'ai eu la peur de ma vie. Ah, oh, ouais. Mais moi, je crois que c'est avec l'école primaire, on est allé durant le jour. Ah, donc, ça okay. faisait moins peur. Tu sais, il y avait quand même des petits fantômes et tout, mais ouais, c'est un peu, on c'est était un peu différent. Au gros soleil, là, puis tout. Ouais, il y a moins l'ambiance un peu. Mais je crois qu'il. On a peut-être pas fait le même, mais ils font à peu près toujours les mêmes lieux quand ouais. même. Ils vont à peu près toujours ouais, au même ouais. endroit. Ben, en fait, ils visitent un peu, là, un peu partout. Notamment, ils visitent le musée de la civilisation parce qu'apparemment, il serait hanté. Ça, faut aller voir pour en savoir plus parce que moi, je sais pas. Puis, en 2013, ils visitaient aussi la crypte de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Je sais pas s'ils font encore, mais... Tu sais, c'est des lieux importants, puis tu fais le tour, tu visites la ville de Québec, le vieux Québec, là, vraiment, où c'est tout historique. Mais t'en apprends un peu plus, c'est un peu plus sombre comme histoire, là, au lieu de... descends un peu au vieux port, oui? de temps en temps. Ouais. Ouais, ouais. La basilique, tu vois, dans ma visite, j'avais pas voulu entrer tellement j'avais peur. Donc, pour t'avais quel âge? J'étais trop vieille pour faire ça, j'avais genre 12-13 ans. J'étais un peu trop vieille. Mais c'est tout pour dire que... C'est intéressant, ça fait peur. Donc, c'est sûr que des adultes vont être très corrects ouais. avec ça. Mais si on veut apporter des enfants, c'est un petit frisson. Ouais, ben c'est ça. Il n'y a pas de sursaut, il n'y a pas de faux sang, mais comme... C'est comme les plus l'ambiance, jeunes, là, l'ambiance ça fait quand même assez peur. Mm-hmm. Puis, on peut y aller... je veux dire, on peut réserver pour le nombre qu'on oui, veut. Oui, c'est là, ça, c'est quand tu souple. Veux. Ça se fait super bien en ligne, là. Je suis allée voir, tu t'écris le tour d'idées fantômes Québec, puis ça se fait super bien. Puis ça a été créé il y a quand même 24 ans, là. C'est, ça fait quand même longtemps que... Ouais, ben c'est longtemps, mais pas tant. Pas trop, c'est ça. En même temps. T'sais, c'est une vingtaine d'années, mais c'est... Ouais, mais quand même, c'est assez... C'est quand même jeune. Oui, oui. Ouais, jeune et vieux en même temps. On dit pas que les gens qui ont 24 ans sont vieux quand même, là. Ah non, on va insulter. Et on est proche de cet âge-là, anyway, donc... Ouais, ouais, c'est... Bon. Mais ouais, c'est pas si vieux, c'est comme un peu dans moitié, mais c'est ouais. quand même renommé. Je veux dire, il y en a pas des tonnes qui font ça dans la ville de Québec, donc... Non, c'est un ça. Bon moyen aussi de découvrir la ville, l'histoire de la ville, ouais. sans nécessairement juste prendre un tour guidé pendant la journée ou acheter un livre ou quelque chose comme ça. Mais... C'est plus immersif comme expérience aussi. Ouais. Oui, sauf que là, tu te ressens vraiment plus dans l'ambiance. C'est peut-être pour ça que t'as peur à certains âges. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas... Aussi, tu sais, on apprend... Même les habitants de la ville de Québec, t'apprends l'histoire de ta ville, mais t'apprends pas les grosses affaires ressemblent là, non, à l'école primaire ça, en ça histoire. Ça se glisse moins bien dans un cours d'histoire. Mais en parlant de cours d'histoire, justement... Ils disent pas n'importe quoi dans les tours. Il y a toujours une base historique sur c'est ce qu'ils ça. Disent. En fait, ils sont allés voir dans les archives, dans les bibliothèques de la ville de Québec, mais c'est sûr qu'ils dramatisent la situation pour mettre ça un peu plus intéressant, pour que les visites soient le fun à écouter. Mais toutes les histoires qui ont été racontées ont une base réelle. Puis, anyway, la plupart des histoires font tellement longtemps que ça a été mélangé. Oui, oui, rendu là, c'est certain cours, que, ouais. de toute manière, même dans les archives, il doit y avoir des trucs... Ça. Qui n'ont pas été dit exactement parfaitement. Mais tu nous as sorti deux histoires qui disent dans les tours. On ouais. nous en parler un peu plus. Il parle de la Corriveau. Il parle aussi de David McLean. Puis il parle aussi de l'Empresse de Irlande. Ça, j'ai oui, oui, pas le, trop oui, su. Le bateau, ouais. Mais pour en savoir plus, il faut aller visiter. Là. Oui, oui, oui. Puis sinon... Il y a beaucoup d'informations sur Internet aussi. Donc, mais si, admettons, on parle un peu de la Corriveau. Oui, ben, c'est un emblème québécois. Là. Je crois que tous les enfants, même si on n'a pas appris ça au primaire, on sait c'est qui la Corriveau. Elle est vraiment connue comme une femme qui a tué ses maris. Soit des fois, il y a deux maris, des fois, il y en a juste à 7 maris qu'elle a tué. Oui, c'est bon. C'est un peu de fantaisie. Ouais, ou elle était aussi une sorcière dans certains... Dans certains des contes, là, des légendes qui ont été contées sur elle. En fait, c'était vraiment une vraie personne. Elle s'appelait Marie-Joseph Corriveau. Puis, en avril 1763, son père était accusé, déclaré coupable de meurtre de son gendre, donc du mari de Marie-Joseph. Puis elle a été déclarée comme complice. Mais la journée avant qu'il se fasse exécuter, son père il a avoué qu'en fait, c'est le contraire. Il disait genre, non, c'est pas moi le... Le tueur, c'est ma fille, en fait. Quel gentil bonhomme. Exactement. Ben, elle a avoué, elle a dit, ben oui, c'est vrai. Donc, elle s'est fait pendre. Puis, aussi, ils l'ont pendu, puis après, ils l'ont exposé dans une cage qui était un crime, c'était une punition inhabituelle, vraiment. Genre, c'était vraiment plus connu en Angleterre, puis c'était pour les crimes les plus violents, là, tu sais. Oh oui, pas pour une madame qui a tué, ben, tué son mari, là. Tu sais, c'est violent comme crime, c'est mais... C'est violent comme crime, mais ça reste que... On sait pas ce qu'elle vivait, peut-être qu'il l'abusait aussi. C'est ça. Okay. Surtout que son père était accusé en premier, tu sais, c'est un peu chelou, chelou l'histoire. Un peu mélangeant. Puis aussi, mais ça, tu sais, elle a pas été pendue à Québec, là, c'est vraiment plus une histoire d'autour de Québec, là. Ça s'est passé à Lévis, donc on peut pas... Ouais, techniquement, c'est pas Québec, mais... c'est pas de la Haute-Ville, mais c'est dans les tours fantômes. Exactement, exactement. Et donc, il parle d'elle un peu oui. Dramatisé. Puis pour, rapidement, pour David McLean. Oui, en fait, c'était un Américain qui il s'est fait passer, c'était un espion qui s'est fait passer comme un marchand dans les années, comme dans le 18e siècle. En fait, en 1790, il a été inspiré par la Révolution française, puis il voulait vraiment comme... Il s'est engagé dans les missions de surveillance puis d'infos sur les loyalistes et les forces des mouvements là, du Canada. Là, en fait, là, c'est un peu compliqué, là, mais il s'est engagé dans ces missions-là. Mais le seul problème qui s'est passé, c'est parce qu'en 1796, il a fait la rencontre d'un marchand qui s'appelait John Black. Et en fait, lui, il l'a livré à la police. Il était genre, non, non, non, tu fais pas ça. Donc, le 10 mai 1797, il s'est fait livrer à la police et il a été accusé de haute trahison. Et il y a vraiment eu une grosse punition. Là. Ouais, on est quand même sur deux crimes, oui, qui sont des crimes, mais qui ont des punitions. Mais c'est ça, ouais. Vraiment, vraiment surdimensionnées par rapport au crime qui a été commis. Ouais. Donc, c'est ça. Le 21 juillet 1797, il s'est fait éviscérer, pardon, vivant, devant un public. Là, il s'est fait trancher vivant. Ouais, c'était un gros crime. Le public était fâché, il était horrifié. Pas fâché parce qu'il s'est fait punir, mais il était horrifié de la punition. Est-ce que le public savait ce qu'il allait voir? Je sais pas, je sais. S'il était choqué, je peux pas croire. On accuse à mort quelqu'un. C'est une surprise comment elle va décéder. Ouais, venez voir, vous allez être surpris. C'est ça, d'habitude, c'est pendu. Pas, c'est que... ouais. Là, c'était vraiment plus grave. Puis en plus, le gouvernement le fait publier plus de 2000 exemplaires dans la Gazette de Québec pour décourager les personnes à faire la même action que lui. Comme j'imagine un peu un dessin de ce qui s'était passé. Je sais pas, mais j'aurais pas voulu voir. Là, non, t'sais. C'est ça. On est content de pas avoir trouvé des nouveaux exemplaires. Exactement. Donc, on est quand même sur deux histoires assez sordides, ouais. Assez sombres, mais ça donne envie d'aller voir. Donc, vous pouvez aller visiter. Moi, j'ai trippé quand j'étais jeune. Donc, en apprendre plus. Ben, moi, j'ai un peu moins apprécié. Mais j'apprécie l'idée. Peut-être donc, que maintenant, ce serait moins pire. Là, oui, ben j'espère. Donc, on vous invite à aller en apprendre plus sur ces histoires-là et sur l'histoire d'autres personnes. Donc, merci beaucoup, Amy Jade. Tu me donnes envie d'aller faire un tour dans le vieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était ta dernière chronique et ici oui. À CKRL. Donc, c'est la fin de ta participation dans le oui, projet. Vous avez pu m'entendre, oui. Malheureusement. Mais ça a été très agréable. De oui. Faire ça avec toi et tu vas continuer à être là avec nous pour nous supporter. Exactement, et les deux autres travail. Épisodes vont être autant meilleurs. Exactement. Donc, merci beaucoup. Comme toujours, vous êtes à Québec Centrique sur les ondes de CKRL. Alors, on se retrouve pour notre petit moment question avec cette fois-ci Alex Desmarais et Thomas Mercier. Alors, je vous pose la même question. C'est quoi votre incontournable à faire dans le Vieux-Québec? Honnêtement, je suis allée tellement de fois. Là, j'en dirais que comme toute mon adolescence, c'était genre, on va dans le Vieux-Québec parce que maintenant on est indépendant et on peut faire ce qu'on veut. Fait qu'à un moment donné, on a fait le tour vraiment rapidement. Fait que maintenant, on dirait que j'aime mieux découvrir les affaires les plus cachées un peu. Il y a le bar Saint-Angèle qui est vraiment oui. Cool, que tu peux pas aller quand t'es moins de 18 ans, évidemment. C'est un petit bar de jazz. Je pense pas qu'il carte. Ah ouais, ben j'avoue que... ouais, parce que tu pourrais acheter comme pas de l'alcool. Ouais, ben j'avoue qu'ils m'ont jamais carté, mais comme... Ouais. Guys, allez-y pas si vous avez pas 18 ans, là. C'est non, mal. En tout cas, mais j'aime vraiment ça parce que c'est pas directement sur Saint-Jean. Tu sais, c'est comme un peu caché. Ouais, faut que tu saches c'est où. Un petit peu dans une ruelle. Ouais. On dirait juste que tu rentres dans un appartement, genre. Mais comme, non, ouais, c'est un bar. Puis tu sais, évidemment, il y a le marché de Noël pendant l'hiver. Oui, absolument. Qui est vraiment, vraiment cute. Il y a plein de petites bouffes, de la tire d'érable, il y a des churros. Genre, les churros, puis au moi, marché, on a une histoire d'amour. Au marché de Noël. Ouais. Le pain baguette avec du fromage à fondu dedans. OK, moi, là, j'ai vu la ça. La saucisse. J'étais allée là l'autre jour. J'étais allée au marché de Noël il y a comme 2 jours, puis j'ai vu ça, mais la file ouais était si mais ça, énorme. Mais ça se fait rapidement. Ouais, moi, je vais pas faire ça pour du pain et du fromage. Genre, je suis désolée. Tu l'aurais. C'est en ville, ça? Oui, c'est dans... C'est juste à côté du magasin de Noël. Ah, OK. Ouais. On ira ensemble. C'est juste en face du Simons. Il y en a un aussi juste à côté de la patinoire. La patinoire, d'ailleurs, aussi. Cool, très cool. Oui, okay, c'est vrai. Il y a comme plein d'affaires. L'hiver, c'est... on n'aime pas ça, mais le Vieux-Québec, il aime ça, maudit. Ouais. C'est le fun. Mais l'hiver, il fait froid, mais c'est cute. Ouais, ouais. Toi, Thomas, c'est quoi qui t'aime faire dans le Vieux? Moi, comme vous avez compris par mes commentaires, je vais pas souvent dans le Vieux-Québec, mais je suis sortie quelques fois avec des amis. Souvent, je vais plus les suivre parce que je m'y connais pas vraiment. Mais, c'est sûr que si on passe devant un Starbucks, là, ils vont me ils suivre. Perdent. Parce que là, I gotta go. Donc, vous voyez un peu mon côté plus matériel. J'aime aussi aller au Simons. Évidemment, qui est évidemment. Gigantesque. Oui, ils ont vraiment un beau Simons. J'ai appris, on dirait j'aurais dû le savoir, mais c'était leur première succursale. Ah et ouais? Ben, ça fait du sens, effectivement. Ouais. Attends, la première, sens. C'est mon père qui m'a dit ever? Ça. Genre, la première à Québec, genre, la première ouais, genre le premier. C'est le OG Simons. C'est le OG Simons. Hein? Le premier bâtiment qu'ils ont acheté pour faire un Simons dedans, c'était celui-là. Ben, c'est vraiment gigantesque, honnêtement. C'est vraiment ouais. Cool. Moi, je suis fière. Ah, c'est un dédale, par contre, tu te retrouves pas là-dedans. Oh, non, mais vraiment. C'est fun. Mais il y avait aussi un magasin de pierres précieuses ou de. Oui, de... je crois qu'il est fermé. Ouais, qui est fermé, qui s'appelait genre le Jade, c'est ça? Je me souviens pas. Je suis pas sûre, mais j'ai une agate bleue de là. Oh, j'avais un bracelet de là, puis c'est-tu quoi, ma meilleure amie, là? Oh my god, c'est plus ta meilleure amie, j'espère. Non, elle est, mais c'est qu'elle m'a tiré le bras trop fort. c'est vraiment, ça me brise le cœur. Non, je comprends. Mais merci beaucoup à vous avec deux plaisir. Pour vos anecdotes. Donc, c'était tout pour les questions, malheureusement. Personne d'autre à qui l'a demandé. Je vais m'ennuyer toi, moi. Les autres ont refusé. Non, en fait, on a juste, ils pouvaient juste pas répondre. c'est pas très grave. On se retrouve après une petite pause musicale. Alors, Alexis Chouinard, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu nous parles, encore une fois, là, je sais que je fais des blagues pas drôles, mais tu nous as trouvé un sujet tranchant. Ouais, tranchant. On adore tes blagues, moi. c'est tranchant juste parce que c'est des couteaux. Exactement, c'est la pas seule raison. Pas vraiment parce raison. Que c'est un sujet tranchant, non, mais non, non, la non. Blague tient quand même. Exactement, ben tranchant, exactement. Pour tranchant, ça tranche pas pire à cause qu'on va parler aujourd'hui d'une boutique qui s'appelle Stay Sharp. C'est une boutique en Hauteville, évidemment, de Québec qui vend des couteaux qui sont bien spéciaux. Il y a vraiment une spécialité dans la manière de le faire. Ils la font de la manière japonaise. Ce sont des couteaux japonais, majoritairement de cuisine, mais ils ne font pas juste vendre ça. Ils vendent d'autres sortes de couteaux, mais même des accessoires reliés aux couteaux. Puis toi, tu as un peu un lien avec ben, les oui, couteaux. C'est là, ça sonne étrange, mais tu as un lien avec les couteaux. Je suis un collectionneur. Puis j'ai plusieurs collections différentes, puis il y en a une que ça fait déjà des années que j'ai, puis c'est une collection de couteaux que je tiens surtout à cause de mon père. Sa collection de couteaux qui est beaucoup plus impressionnante que la mienne, définitivement. Avec l'âge, on... Ben, c'est ça, exactement. On acquiert plus de couteaux. Ça fait tourner des têtes. Ça fait tourner des têtes quand des gens qui viennent à la maison puis qui sont comme, oh, OK, d'accord, c'est étrange pour beaucoup, mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr que ça m'a accroché quand je suis tombé sur Stay Sharp. Et évidemment, ben, je me devais d'aller faire un tour avec mon père aussi, évidemment, qui a tenu à m'accompagner. T'as pu parler avec le propriétaire exactement, aussi. Exactement, j'ai pu parler c'était avec un peu Olivier. Ça le but de la visite, en ben fait. Ben oui, aussi, c'était le but, mais mon père, lui, son but, c'était d'avoir ses propres couteaux. Il s'est fixé un budget. Mais oui, donc, ils font des couteaux japonais. Ils les font venir directement du Japon. Oui, c'est ça, c'est pas comme fait au Québec. Mais il y a certaines choses qui sont faites au Québec. Ben oui, ils l'aiguisent directement dans les deux succursales. Pardon. Il y a l'endroit à Montréal, sur la rue Gilles-Fort. qui est la première succursale qui est ouverte parce que Olivier vient de là-bas. Il a été un cuisinier de formation pendant 14 ans dans des restaurants. Il se connaît quand même sur les couteaux. Il a eu directement, il a été chanceux, ce qu'il me disait. Il a été chanceux, il a tout de suite eu son travail qu'il voulait, c'est-à-dire dans la restauration. Il est devenu chef, puis il est allé à l'école de cuisine, puis tout de suite, il est embarqué là-dedans. Puis après ça, il a créé, évidemment, Stay Sharp à Montréal. Et après ça, à la grande demande, il a ouvert une succursale il y a quelques années dans notre belle ville. Et donc maintenant, on peut aller acheter des couteaux là-bas. Exactement. Puis il y avait quand même une histoire un peu loufoque, on va dire, pour expliquer son idée de commerce. Oui, effectivement. Il s'est passé quelque chose d'assez hors du commun. La raison, on ne peut pas la deviner. En gros, il était à la recherche d'une soucoupe d'exercice. Il n'a pas expliqué d'ailleurs c'était censé être quoi. Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu embarques pour travailler ta stabilité, comme. Mais bref, il cherche ça à offrir en cadeau et il a trouvé une maman dans son quartier qui en avait une et qui avait aussi besoin de faire aiguiser ses couteaux. Et donc, à la place de payer pour la soucoupe, il a offert ses services parce qu'il s'y connaissait déjà. Donc, il a aiguisé ses couteaux et elle était tellement satisfaite, il a réalisé « Hey, je pourrais peut-être en faire mon propre business ». Et c'est ce qu'il a fait en fondant Stay Sharp un peu plus tard. Donc, c'est vraiment comme... On n'aurait pas pu prédire c'est quoi l'histoire. Mais donc, ça lui a permis de commencer son commerce. Ben, c'est exactement, super. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est pas... La madame avait une raison de demander à faire aiguiser ses couteaux parce que des couteaux japonais, on peut pas juste aiguiser ça. Parce que j'ai eu le même questionnement au début, mais des couteaux japonais, on peut pas juste aiguiser ça avec une aiguise à couteau normal. Il y a vraiment une manière de le faire. Après, je pourrais pas exactement vous expliquer comment il faut aiguiser. Je suis pas l'expert, faudrait demander à Olivier. Mais non, c'est ça, tu peux pas juste Internet, le faire. Ou à Internet. À la limite, si t'as assez de patience pour tout apprendre. Mais c'est ça, tu peux prendre des cours là-bas, entre autres. Ils offrent des cours pour apprendre à aiguiser tes propres couteaux. Sinon, si ça ne tente pas de l'apprendre toi-même et d'avoir l'équipement pour l'aiguiser, tu peux toujours juste les ramener une fois que tes couteaux en ont besoin pour qu'eux l'aiguisent à ta place. Mais il faut juste faire attention. Il faut quand même en prendre soin de ses couteaux chez eux pour qu'ensuite ce soit faisable de les réaiguiser plus tard. Puis parce que leur clientèle aussi, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en couteau, il va l'aiguiser lui-même, mais leur clientèle, c'est pas juste ça, des gens qui s'y connaissent très bien. Non, effectivement, c'est pas juste des gens qui s'y connaissent, c'est vraiment des gens qui s'initient au couteau, puis qui sont vraiment... qui ont un intérêt pour, mais c'est sûr que ça vient avec un prix. Tu sais, c'est pas juste des couteaux que tu achètes dans n'importe quel magasin. Les prix vont varier entre 60$ pour des mini couteaux de poche et j'en ai vu un à 2750. Tu sais, c'est ça, ouais, c'est différent. Un petit peu différent. Si on revient à la clientèle, c'est ça, j'avais posé la question à Olivier, on peut l'entendre. Très varié, donc ça va vraiment du jeune cuisinier, 16 ans, commence en cuisine, que des amateurs de cuisine qui n'ont jamais eu de couteau japonais, donc jusqu'à 60-70 ans, là, j'ai des gens de toutes les tranches d'âge là, qui viennent s'informer puis s'acheter des couteaux ici. Là. Puis d'ailleurs, on n'a pas... en fait, on n'a peut-être pas vraiment... présenter la boutique, oui, on l'a présenté, mais le propriétaire lui-même avait un peu présenté la boutique, s'était présenté lui-même. Si j'avais posé la question de son parcours, là, puis je l'ai un peu introduit, mais on peut l'entendre de sa bouche directement. Mon nom, c'est Olivier Casaverte, je suis propriétaire des deux boutiques à Montréal et à Québec de Stay Sharp. Dans la même idée là, qu'on a construit la boutique à Montréal, donc dans les dimensions qu'on avait. Donc nous, on vend et on aiguise des couteaux de cuisine japonais. On vend les accessoires nécessaires à l'entretien et aussi d'autres accessoires connexes là, qui vont très bien avec les couteaux. Là, donc les étuis, des marbelines, tous des accessoires de cuisine complémentaires. Ici, 98% des choses viennent du Japon. C'est une chose qui ne vient pas du Japon, c'est les planches à découper et les saya qui viennent du Québec, donc par des ébénistes québécois. Mais tout ce que vous voyez à peu près vient du Japon, en fait. Puis, tu sais, lui, c'est quand même c'est un vrai cuisinier, là, donc il s'y connaît bien au couteau. Ben oui, c'est ça. Il y a quelque chose quand même qui vient l'intéresser ben, oui, avec non, l'idée de la boutique puis ce qu'il vend. Puis ça se voyait, je suis rentré puis ça se voyait, il savait où tout était placé puis il avait l'air d'avoir du plaisir de travailler là-dedans. Puis j'en ai aussi parlé, j'en ai glissé un mot, j'ai demandé qu'est-ce qui l'intéresse dans son travail maintenant, pourquoi il a bougé de cuisinier à la boutique Stay Sharp. Ah ben moi en fait j'ai grandi dans une famille qui adorait cuisiner, puis moi j'ai été très chanceux, j'ai trouvé mon métier direct en partant, j'étais cuisinier pendant 12 ans, fait que j'ai utilisé le produit pendant très longtemps, donc je sais que c'est un produit qui vraiment change beaucoup la cuisine, notamment au niveau des textures, des saveurs, c'est vraiment un rabbit hole infini là, quand on... Le terrier du lapin est très, très profond. Puis si tu as réussi à lui parler comme ça, j'imagine que ça doit être parce qu'il travaille là aussi? Oui, ouais, bon, non, il travaille là. Il travaille dans les deux succursales, en fait, de ce que j'ai compris. Il va alterner entre Montréal puis Québec. Je suis rentré dans la boutique à Québec, puis ça sentait la passion directement. C'est vraiment une super de belle boutique. Si vous avez la chance d'y aller, je vous invite très fort. Il y avait même une carotte de disponible sur le comptoir pour pouvoir essayer les couteaux. Les clients puissent essayer les couteaux avant de passer à l'achat. Donc, j'ai trouvé ça super pratique. Puis, honnêtement, je les ai essayés un peu. Puis, j'étais assez impressionné. On dirait presque qu'on coupe du beurre. Ça se coupe tout seul. Puis, je trouve que ça vaut vraiment la peine de pouvoir avoir un couteau de cette qualité-là. Parce que c'est nécessaire pour quelqu'un qui aime vraiment, vraiment la cuisine. Puis ça, Olivier l'a vraiment compris quand il a créé sa boutique. Puis c'est pour ça qu'on se ramasse avec un bel endroit comme ça dans notre ville. Puis s'il offre des moyens aussi comme ça de tester les couteaux, c'est parce que quand même, le but de la boutique, c'est d'être pas juste à l'endroit où vendre des couteaux. Il en parlait lui-même, il me semble, dans son entrevue, c'était vraiment de pouvoir... éduquer les gens un peu, c'est comme un endroit ouvert où tu peux aller poser tes questions, demander de l'aide. Exactement. En fait, il disait qu'il se base beaucoup sur le service à la clientèle. Puis ça, on peut l'entendre aussi là-dessus quand je lui ai demandé qu'est-ce qui rend la boutique aussi spéciale. En fait, c'est qu'on vend des produits vraiment de grande qualité, mais c'est surtout aussi le service à la clientèle. On a un service très personnalisé qui expose vraiment toutes les différences entre les certains couteaux. On va vous poser des questions sur vos habitudes culinaires, sur comment vous entretenez vos couteaux en général. Donc nous, on ajoute vraiment quelque chose de très différent d'un Walmart ou d'un Amazon de ce monde. T'sais, on est vraiment beaucoup plus sur le service, là, nous, ici. Là. Eh bien, c'était très, très éducatif, tout ça, très intéressant. Mm-hmm. Donc, évidemment, allez visiter si vous avez besoin de couteaux. Pas obligé d'acheter les couteaux à 2000$. Non, c'est ça, comprend. C'est sûr, à moins que vous soyez vraiment passionné. On comprend si vous les achetez pas. Qui nécessite en plus un besoin assez particulier. Oui, c'est ça. Il faut vraiment avoir besoin. Je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut vraiment avoir besoin des couteaux à 2000$. Mais il n'y a pas juste des couteaux non plus, il y a plein d'autres affaires. Non, c'est ça, il y a des planches qui vendent, il y a des ben, c'est sûr qu'ils vendent aussi l'équipement pour aiguiser les couteaux. Mm-hmm. Mais comme si vous voulez des objets de cuisine de qualité, c'est de la, tant qu'à faire, vous pouvez aller au Cuisina ou vous pouvez aller au Stay Sharp. Ben, c'est ça. Donc, c'est vous qui voyez. Tout dépendant de votre budget. C'est au Stokes. Ça dépend de votre passion pour la cuisine. Mais moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Mais donc, merci beaucoup, Alexis Chouinard. Donc, on va visiter, définitivement. Mais donc... comme toujours, je suis votre animatrice, Maud Simard. Vous êtes sur les ondes de CKRL à Québec Centrique. Stay sharp! Écoutez! C'était Québec Centrique à CKRL. Je suis votre animatrice, Maud Simard. Aujourd'hui avec moi, j'avais Émilie Daudet, Alexis Chouinard et Thomas Mercier. Alors, prochain épisode, on remonte encore plus loin dans l'histoire pour parler d'un lieu culturellement très important pour l'histoire de notre ville et même pour l'histoire de notre pays. Alors, en attendant de nous entendre à nouveau, découvrez votre quartier et ce qu'il a à offrir d'excentrique.